Enroulé, meunier, curieux meunier, meunier en bateau. Alors comme les femmes, je suis bien enroulé. Une fois de plus, l'encre a coulé comme le sang ce soir. Mon amour est exposé en foire, mais oublié que je suis un enfoiré. Lorsqu'on a tout perdu, on trouve parfois ce qu'on cherchait. J'aime la haine, mais pas la violence, sauf celle de mes mots pour choquer la France. Les profiteurs pèlent tout voir, les sincères disent à tout vent. Planent, ils s'envolent, en veulent. Je pense à ce pédophile qui a payé sa nuit pour se faire castrer. Le rêve d'enfant, mais on sera jamais touché. Il y a cette fillette de 20 ans, puis celle qui a encore dans les bras de sa maman. Et il y a cette Camille 14 ans qui rêve encore de prince charmant et qui s'est fait prendre par les potes de son petit copain en tournant. Je suis arrivé les murs rasants, je faisais ma biche. Un mec s'est mis devant avec un spliff, une fille m'a dit: tu passeras par son queufri, elle rinqui. Si c'est RAR, pas la mafia qui a friche. On se retrouvera tous les deux dans une flaque de sang fond d'un parking. Allez, parle-moi pas de crime, parle-moi pas de team. De toute façon, les penseurs sont style de personne. Reste avec tes connes et remballe ton phone. À t'y croire sur ton trône, je baisse ton trombone. C'est parti pour un suicide collectif. On baisse les feuilles vierges de nos griffes. Nous ne sommes que les troubadours et notre queue, notre cœur et notre gueule brûlent au four. Sur vos lèvres j'crie, sur vos lèvres j'écris. Les matums creusent au plus profond de mon cœur et que s'envole le baiser plein de vomi. Sur vos lèvres j'crie, sur vos lèvres j'écris. Les matums creusent au plus profond de mon cœur et que s'envole le baiser plein de vomi. Dans mon âme s'évapore, leurs paroles en l'air. Puis dans leurs fringues se renforcent, je mets l'habitat à l'air. La force, oui, mais quelle est la force des bras musclés? Je ne sais pas, je n'en ai rien huilé. Je ne crois pas, jamais si c'est les saisons particulières, celle de l'amour, quand celle-ci vous crie à mort. J'écris avec la pureté de mes lèvres, lèvres, lèvres de lépreux qui ne semblent pas bon pour eux. Où t'as été poreuse, ambiance pourrie, je me la raconte et toi seul, seul. En somme, de ton côté, accroupi sur ton sol pleureur. Les larmes t'embrassent, et les baisers s'envolent, les mots s'échappent. Il est temps de pas sur les bavures de tes partitions. Une partouzeuse en trois positions. À 27 ans, toujours seul et paumé. Allons voir les putes avec un chic en bois de boulogne. Allez checkman, l'avenir des lèvres va trinquer pour toi. Allez checkman, l'avenir des lèvres va triquer pour toi. Puis tu te retrouves dans le lit de l'amour avec plus de 1000 baisers baveux. Puis vient ton avenir qui s'achève à coup de hache dans l'épaule. Mes lèvres aussi glacées que ton cœur meurt de macho. Les rimes basées sur tes trois capotes qui se craquent. Ce shoot craque. Drague les meufs, indiffère les différences pour se retrouver en transe. Ils se balancent, ils dansent pendant qu'une bande d'enfoirés lapide les infidèles. Des coups de pied dans la clavicule, des clavicules pour une calvitie. Des calvicies pour une vie, un vice aussi méchant que l'on se retrouve seul, mordant la culotte dans un champ. Mes textes bleu amer sur l'encre de poète. L'amour recherché m'a perdu sur vos images de cul. Cul de Jade, je priais Jade, violer la Vierge, puis assassiner l'orphelin. Sur vos lèvres j'écris, les matums creusent au plus profond de mon cœur et que s'envole nos baisers pleins de vomi. Sur vos lèvres j'écris, sur vos lèvres j'écris, les matums creusent au plus profond de mon cœur et que s'envole nos baisers pleins de vomi. Domine la rime, la minute à la fin caffine. Je suis cramé, pyromane et chasseur de primes. Mon manque se nourrit de larmes, de sang et de sperme. Bienvenue dans notre club, schizophrène. La solitude est bonne, avec ses seins XXL. Et toi, tu fais quoi, à part les coquetteries, les coquetteries? Tu crois que ce serait ton mari? Tu sais, on jette les canettes après les avoir finis. Et toi, si ta vision de l'amour et le vol de vie. J'espère que dans 10 ans, ton mariage te coûtera cher. Revenons à nos moutons, tu fais quoi, petite vieux fille? Après la drogue, les disputes, les dissipés 10 putes qui viennent des armes et mon couplet hardcore. Rien ne dure sauf la mort. Ça fait funk, funk, crunk, punk et pink. L'intru et l'instru ne sont pas ce que l'on dit. Ma clique le contredit. De bandaison à arc bandé jusqu'à arc-en-ciel. J'attends l'orgasme final de ma bandaison. Je sais, je suis pas amoureusement correct, change de disque. Apparemment la rupute est plus importante que l'amour et tu peux pas prendre de risque. Tu m'aurais pu mieux pute, je crache ma haine sans domicile fixe. Je suis un nomade, jamais mes yeux se fixent. Ça m'étonne que je hais, je ressens plus. Parce que je n'aime pas, dans les règles, je n'aime pas les règles. La passion m'a tué, je suis son dernier regard de haine. Sur vos lèvres j'crie, survolé FJ crie, les madames creusent au plus profond de mon cœur et je s'envole. Nos baisers pleins de vomi. Survolé FJ crie, survolé FJ crie, les madames creusent au plus profond de mon cœur et je s'envole. Nos baisers pleins de vomi. Survolève, j'écris, les madames creusent au plus profond de mon cœur et je s'envole. Nos baisers pleins de vomi. Survolève, j'écris, survolève, j'écris, les madames creusent au plus profond de mon cœur et je s'envole. Nos baisers pleins de vomi.